La délégation pour commémorer le 70e anniversaire de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon, conduite par Kim Il-sun, conseillère du présidium de son comité central, et le groupe de visite dans la patrie des compatriotes coréens au Japon, conduit par Chung Yun-dol, arrivé le 1er septembre à Pyongyang par avion, ont déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.